tous les matins, j'achète mon journal et je prends mon café chaï. Tout ça m'évite d'avoir mal et rend acceptable ma vie. C'est mon partenaire, mon alibi pour prendre l'air. Elle tchatchait du beau vieux temps, le temps où j'étais vivant.